Alain Modo, pour revenir à ce côté élitiste qu'on a pu reprocher au sous-titrage pendant un temps, est-ce qu'il y a comme ça un sous-titrage des villes et un doublage des champs? Finalement, en habitant en ville, à Paris principalement, on va voir des films sous-titrés, et puis en province, bah, l'offre c'est plutôt le doublage. Pour voir un film sous-titré, même pendant le festival de Cannes à Cannes, il faut vraiment chercher la salle, quoi. Je rappellerai que Arte, avant d'effectivement d'avoir deux canaux numériques, Arte qui diffusait des films sous-titrés, avait arrêté la diffusion des films sous-titrés, notamment en prime time, parce que tout bêtement, l'audience chutait de 4 ou 5. Et donc, c'était vraiment le frein, le sous-titrage. Et en Europe et en France, il y a vraiment deux cartographies. Il y a la cartographie du cinéma et d'un ensemble de pays où il y a véritablement que du doublage, ou quasiment que du doublage. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. En Italie, à Rome, vous avez deux salles qui vous donnent des films en version sous-titrée. En Espagne, il y en a peut-être une ou deux à Madrid et un peu plus. Angleterre, c'est vraiment un pays où l'anglais est tellement présent que le sous-titrage n'existe quasiment pas. L'Allemagne est un pays de doublage aussi. Et vous avez une Europe, par contre, du sous-titrage dans les pays nordiques, dans les pays, dans d'autres pays, où effectivement, les pays de l'Est aussi, où on trouve aussi d'ailleurs le voice-over. Le voice-over, alors expliquez-nous, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Le voice-over, ce sont des voix qui passent au-dessus de la voix principale, mais dont le son a été baissé, et une autre voix donne une version dans la langue du pays. Et c'est tellement ancré dans certaines cultures, c'est le cas de la Pologne, par exemple, où le voice-over est tellement ancré que quand la télévision publique polonaise a voulu passer à la version doublée, on leur a dit « mais rendez-nous le voice-over, il y a eu une campagne pour le voice-over ».